Ce vendredi, à la vie en BD, en deuxième moitié d'émission, on va plonger dans l'univers de l'horreur et du fantastique, parce que oui, évidemment, ici comme ailleurs, mais c'est l'Halloween qui s'en vient, c'est la dernière émission avant l'Halloween. Alors, c'est un peu incontournable d'aborder cette thématique dans notre club de lecture mensuel. Alors, on aura donc nos deux libraires invités, Édouard Tremblay et Marco Duchesne. On aura notre ex-libraire invité, Jérôme Vermette et moi-même, qui passeront en revue quatre titres qui ont été sélectionnés par Jérôme, qui est un amateur du genre et qui nous a choisi Chasse d'Edgar Hudon et Dominique Loubier, Monde oblique de Clark, Ragemore de Jan Strand et Richard Corben, ainsi que La mort aux yeux de Cristal d'Amelin et Aubury, pour explorer les façons de faire peur, de faire angoisser les gens à travers la bande dessinée. Alors, ce sera une occasion de plonger avec nous dans cette thématique en deuxième moitié d'émission. Et dans la première moitié, ben, on ira peut-être un peu du côté du polar de l'enquête, façon, j'ai envie de dire, un peu Agatha Christie à certains égards, puisque que l'album Shelton et Felter, le tome 2, Le spectre de l'Adriatique, nous place dans un huis clos sur un transatlantique où il y a un mort et il faut élucider cette situation. Deuxième bande dessinée d'une excellente série de Jacques Lamontagne. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'ai tout autant apprécié le deuxième et j'ai bien hâte d'échanger avec lui justement autour des tenants et des aboutissants de ce deuxième tome de Shelton et Felter. Alors c'est notre menu pour cette semaine ici à La vie en BD. Alors officiellement, bon vendredi à tous et à toutes. Raymond Poirier au micro avec vous, comme à l'habitude, les vendredis jusqu'à 18h30 pour plonger dans la sphère, dans l'univers du 9e art. Et on se met un peu aux couleurs d'Halloween, si on peut dire, ce soir. Et pour débuter, ben on le dit d'entrée de jeu, donc on a envie de plonger donc dans l'univers de Shelton et Felter, deuxième tome de cette série qui nous est offerte du côté de l'éditeur Ken. Ça s'appelle « Le spectre de l'Adriatique ». Et à l'image du premier, eh ben, c'est dessiné et scénarisé par Jacques Lamontagne, qui est avec nous au bout du fil. Jacques Lamontagne, bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, c'est le deuxième tome de la série. Cette fois, vous nous amenez sur un transatlantique avec une histoire de meurtre à la clé. D'où est peut-être venue un peu l'idée de ce décor, si on peut dire, pour le deuxième tome de la série? En fait, je voulais casser immédiatement le pattern. Je ne voulais pas qu'on reste dans la ville de Boston. Je voulais sortir de ça pour montrer aux lecteurs que Shelton et Felter pouvaient les amener ailleurs que là. Parce que, pour rappeler, dans le premier tome, on s'était cantonné à la ville de Boston. Et puis, je trouvais que c'était intéressant, mais également un défi de faire une espèce de huis clos à bord d'un transatlantique. Oui, puis en même temps, le huis clos amène ses codes, ses défis. Autant le premier était peut-être un peu dans l'esprit un vrai Sherlock Holmes à certains égards. Dans le deuxième, je me replongeais un peu dans un bon roman d'Agatha Christie, si on peut dire. Oui, exactement. Bon, on peut penser à Mort sur le Nil, on peut penser au meurtre de l'Orient Express. Mais également, ce tome-là me permettait... Je voulais développer un peu sur sur les personnages eux-mêmes, la famille, etc. Et ça m'a donné justement l'occasion de le faire. Oui, parce que dans le fond, d'un côté, dans le premier tome, il y avait une nécessité, si on peut dire, de développer un peu les héros, nous expliquer pourquoi ils sont ensemble, pourquoi ils sont un duo. Dans le deuxième tome, ça nous permet de continuer à ajouter des couches en s'assurant d'un côté que le lecteur qui, par un pur hasard, commence par le deuxième ne s'y perd pas et que celui qui a lu le premier continue à avoir un peu cette construction de monde aussi que vous faites. Oui, exactement, parce que pour les lecteurs qui avaient déjà commencé l'aventure avec le tome 1, c'est une continuité. Je me suis donné comme défi aussi que le lecteur, s'il n'est pas passé par le tome 1, il peut très bien embarquer dans l'aventure à partir du tome 2, mais c'est sûr de voir se construire un petit peu l'univers des personnages au fil des albums, c'est intéressant également là, pour les lecteurs. Et si on reste un peu dans l'inspiration, dans le point de départ, le premier tome, ça avait été beaucoup un fait historique qui était venu, disons, amener cette idée-là. Vous l'avez dit, Jacques Lamontagne, le deuxième, c'est l'idée de casser le moule. Le contexte du bateau est venu parce que vous aviez envie d'explorer ce type de décor-là, parce que vous avez envie de vous offrir un huis clos aussi, ou... Oui, il y a un peu de tout ça. Il y a, bon, comme je m'en suis jamais caché, j'ai beaucoup aimé, bon, j'ai lu du Conan Doyle, Sherlock Holmes, Agatha Christie, et puis j'avais le goût de redonner un petit peu dans ce genre-là, de justement être pris dans un espèce de lieu et de faire évoluer les personnages, justement, comme dans ce huis clos-là. Je trouvais ça intéressant, justement, de miser un petit peu plus sur l'enquête plutôt que les décors, parce que, bon, même si à travers le paquebot, on se promène d'une pièce à l'autre, les personnages sont quand même pris sur ce navire-là, donc c'était, sans vouloir me répéter, un défi de réaliser ça, là. Oui, parce que dans le premier tome, il y avait évidemment le contexte architectural, donc fallait se retrouver dans le Boston, il y avait les immeubles, le décor, la ville qui prenait quand même de la place. Dans le deuxième, le bateau, vous l'avez dit, c'est quand même un défi, parce qu'en même temps, une cabine, ça reste une cabine, il y a les distinctions entre première classe, deuxième classe et le reste, mais nonobstant ça, ça reste un environnement qui est moins chargé en termes de décor, comme vous venez de le dire. Oui, exactement. Bon, ben pour la réalisation de cet album-là, je m'étais procuré quelques volumes de la White Star, là, qui me permettait, bon, d'avoir de la documentation, etc., mais on a rapidement fait le tour quand même, parce que, bon, tous les lieux se ressemblent un peu, il y a les grands salons, etc., mais je misais davantage sur l'enquête, et puis, bon, sur l'ouverture et également la finale, parce qu'il y a quand même une surprise qui attend le lecteur à la toute fin, là. Et au niveau des personnages aussi, parce qu'en même temps, dans tout ça, j'ai l'impression qu'il y a un job d'équilibriste, en fait. Parce que d'un côté, il faut avoir les éléments qui sont propres à l'enquête, qui vont nous permettre, nous, lecteurs, de comprendre et peut-être à la deuxième lecture, de voir venir un peu plus les éléments et de voir les indices que vous avez disséminés, ça. Et là, il faut aussi avoir les faux indices, les fausses pistes. Et à ça, vous ajoutez aussi, parce qu'on réussit à créer de l'espace pour justement bâtir les protagonistes, bâtir l'univers. Et tout ça dans un nombre quand même assez limité de planches, là. Oui, ben c'est un exercice qui est quand même assez difficile parce que, bon, comme vous l'avez dit, on doit doser un peu tout ça, on doit donner les indices au lecteur, on doit placer l'intrigue, on doit rythmer l'album, puis en même temps, bon, j'aime bien aussi apporter une dose d'humour avec les deux personnages. Et tout ça en entrant dans un format de 46 pages, c'est un exercice qui est assez difficile, mais qui est fort satisfaisant une fois qu'on l'a, je pense, réussi. Et comment on arrive à doser ça? Parce que bon, on s'entend, on sera peut-être cachette, vous le réussissez dans cet album-là, à mon avis. Mais comment justement on arrive à faire cette mécanique-là? Est-ce qu'on se dit, OK, on essaie de voir un peu à quoi va servir chaque planche? Est-ce qu'on se fait un code de couleur? Je sais pas. Ah oui, ben en fait, la plus grande difficulté, c'est de trouver l'intrigue elle-même, l'enquête elle-même. Une fois que ça s'est résolu, je trouve que ça va quand même assez bien. Moi, je travaille à partir d'un synopsis très détaillé, c'est presque un découpage. Ça me permet, bon, de visualiser, de regarder en l'ensemble de l'album, et puis de doser, de répartir justement l'action, l'humour, et puis... pour que, justement, le dosage soit assez équilibré, là. Oui, parce que c'est vrai que si on enlève, par exemple, les séquences plus légères face aux personnages, que ce soit l'habit trop grand, le mal de mer et autres, on se retrouve quand même avec un récit qui est, somme toute, assez sérieux. Donc, ces éléments-là deviennent essentiels pour apporter une autre tonalité, dans le fond, à l'ensemble. Oui, parce que sinon, je verserais carrément dans le polar tel qu'on est habitué de le voir, justement, ces prises de bec-là entre les deux personnages principaux, ça permet, bon, de créer des espèces de soupirs, des petites pauses dans la lecture, et puis de repartir après ça sur les récits d'enquête. Proprement dit, là. Oui, puis peut-être pour le lecteur, en fait, je trouvais d'une certaine façon, ça nous aide à pas être obnubilé par l'enquête, à savoir qu'on est d'abord dans un monde et que c'est dans ce monde-là qu'il y a une enquête plutôt que simplement sur une enquête, dans le fond. Oui, puis en fait, Shelton et Falter n'ont pas la prétention d'être de s'inscrire dans la tradition des grands polars. C'est avant tout, c'est de l'aventure, c'est de l'humour. C'est bon, oui, il y a un récit d'enquête, une structure d'enquête là-dedans, mais c'est avant tout de moi. Je demande au lecteur ouvre l'album, puis amuse-toi, passe un bon temps, c'est tout là. Parce que moi, je veux que le lecteur, bon, se creuse un petit peu la cervelle, mais s'amuse également là, avec les deux rigolos qu'on a là. Oui, puis qu'en même temps, dans le fond, au-delà du punch, puis du plaisir de voir aussi de quelle manière on amène justement les éléments d'enquête, de quelle manière on aurait pu les découvrir. Rendu à un certain point, on revient à l'album à cause de la chimie entre vos deux héros. Ouais, ben. J'ai travaillé quand même pas mal là-dessus sur cette espèce de chimie-là entre les deux personnages là, qui se ressemblent pas du tout, qui ont des deux caractères complètement contraires, mais justement qui amènent des situations intéressantes. Et puis là, j'ai commencé déjà à travailler sur le tome 3 et c'était rigolo d'entendre mon directeur de connexion me dire « Ah, ça fait du bien de les entendre à nouveau. » Il m'a pas dit de les lire, mais de les entendre à nouveau, parce qu'il imagine déjà les échanges entre les deux personnages. Donc, moi, quand vient le temps des dialogues, c'est vraiment là que je prends mon pied, là. Oui, parce qu'ils sont justement assez différents. Bon, pour situer ceux qui nous prennent, qui n'ont pas encore lu le premier tome, oui. Y en a un qui est libraire, l'autre qui est boxeur, donc le gros, le petit, on joue un peu avec ces archétypes-là, mais en même temps, on les pousse, justement, et il y a quelque chose aussi qui fait qu'on dirait que ces archétypes-là fonctionnent bien quand ils sont bien rendus. Ouais, ben en fait, j'ai rien inventé. On connaît ces tandems-là depuis longtemps, les tandems que tout oppose. Effectivement, bon, Felter qui est hypochondriaque, qui a de la misère à sortir de chez lui, mais qui a un intellect qui est quand même au-dessus de la moyenne. Shelton qui, lui, est beaucoup plus fonceur, bagarreur, etc. Mais les deux, séparément, n'arriveraient pas au même résultat. Ils ont besoin l'un et l'autre pour arriver à ces résultats d'enquête-là. Oui, puis dans le fond, de créer un rythme d'enquête où aussi il y a des moments où on va mettre un peu plus les capacités de l'un en évidence, l'autre les capacités de l'autre, où on va aussi, dans le fond, autant on donne une histoire plus personnelle, dans le fond, à Felter dans le récit, autant on va en donner une aussi à Shelton. Donc il y a quand même aussi un équilibre dans le développement. Il n'y en a aucun des deux qui est le faire-valoir de l'autre, je trouve, en tout cas. Ouais, ben c'est encore une fois, c'est un défi de pouvoir faire ça, que les deux personnages deviennent, bon, qu'un prenne pas le dessus vraiment sur l'autre, puis que, en fait, moi, je vois Shelton et Felter, ils sont aussi ridicules l'un que l'autre, en fait. Donc, c'est vraiment deux rigolos, mais qui arrivent à des résultats quand même concrets quand vient le temps d'élucider un meurtre ou un mystère. Et dans tout ça, après ça, on revient à la structure du récit, donc où souvent aussi dans des contextes comme ça de récit d'enquête, il y a le défi de l'économie de personnage, où à un moment donné, comme lecteur, on finit par trouver c'est qui en essayant de trouver le personnage qui servait à rien, entre guillemets. Et dans ce cas-là, c'est aussi un défi, dans le fond, de garder un certain élément de surprise, que tout serve à quelque chose, mais que, justement, de pas tomber dans quelque chose de trop évident non plus. Ouais, c'est évident. La grande difficulté avec la bande dessinée plutôt que le roman, bon, à travers un roman, on peut, faire une description, etc. Tandis que dans une bande dessinée, on doit l'illustrer. On est obligé de disséminer des indices à travers l'album pour pas que le lecteur dise « bon, mais il a sorti ça de son sac ». Ce qui me met un peu en risque, c'est que le lecteur peut s'attarder sur les cases, les examiner, etc. Et c'est parfois c'est ça qui devient un peu difficile. Donc on doit dessiner quelque chose, mais de façon discrète, pour que le lecteur, une fois qu'il va se repasser l'album, va dire « Ah bien, oui, c'est vrai, c'était là, on le voyait ». Mais c'est évident, bon, que, comme je disais, à cause du format 46 pages, on peut pas arriver avec une histoire qui est hyper, hyper complexe, parce que sinon, ce serait très difficile de s'y retrouver, là. Exact. On revient dans le dosage, d'une certaine façon, de pouvoir bien rentabiliser l'espace qui est disponible, d'aller à l'essentiel, mais en laissant assez de superflu pour qu'il y ait de l'ambiance aussi, puis que ça fonctionne, que ça colle. Exactement. Et tout ça aussi, côté couleur, entre autres, on y va quand même avec des tons assez chauds, somme toute, dans les albums, là. Ouais, moi j'avais remarqué le travail de Scarlett sur la fameuse série Green Manor de Denis Bodard et puis de Velman. J'avais adoré ça. J'aimais son espèce. Je retrouve un peu sa palette de couleurs. on a une certaine familiarité avec la mienne. Elle aime beaucoup utiliser les verts, les bruns, etc. Et puis, quand j'ai abordé le tome 1, je lui ai fait la proposition de travailler sur la série, puis elle a accepté. J'étais très content parce que, justement, je trouve qu'elle sert très, très bien le dessin, et puis elle sert bien les ambiances. Et ça devient pas une surenchère avec le dessin, c'est un juste dosage pour y revenir encore avec le mot dosage, là. Exactement, et au même titre qu'on parlait tout à l'heure au niveau du dessin lui-même, d'avoir des décors qui sont assez remplis mais qui ne sont pas surchargés non plus. Donc, encore là, on est dans l'équilibre dans tout ça. Oui, ben en fait, quand j'ai commencé à penser à la série Shelton et Felter, en fait, de l'illustrer moi-même, parce que bon, on en avait déjà parlé avec le tome 1, mais c'était pas moi qui était censé dessiner la série. Considérant le travail déjà que j'ai, je m'étais dit, je vais faire un dessin qui est quand même assez simple, à la ligne claire, très franco-belge. Et justement, il y a ça amène beaucoup de lisibilité au niveau de l'histoire. Et puis, ça ouvre un peu la porte à, comment je pourrais dire, à ce que ça devienne une lecture familiale. Mm-hmm. Et à travers tout ça aussi, bien dans le fond, évidemment, on est dans différents univers, à tout moment entre le 1 et le 2. Donc aussi, faut replacer cet univers-là, faut replacer les règles de l'univers, créer des personnages qui ont aussi de la substance. Je pense entre autres au flirt presque amoureux qui va prendre aussi plus de sens d'un des deux protagonistes. Oui. Donc il faut donner de la substance aussi à ce personnage-là et aux autres. Encore là, on revient à toujours créer de l'espace, parce que je trouve fascinant, en fait, c'est pour ça que je reviens beaucoup là-dessus, mais vous les rentabilisez, les 46 planches, là. Oui. Oui, il faut que les personnages deviennent crédibles. Bon, crédibles, entre parenthèses, c'est sûr, bon, qu'on pourrait pas faire un film de ça, on pourrait faire un dessin animé, peut-être, de Shelton et Felter, mais il faut que ces personnages-là soient humains. Et il y a un de mes amis dessinateurs qui récemment, me disait, il dit, j'ai bien aimé lire Shelton et Felter, parce que j'avais pas l'impression d'entendre l'auteur parler derrière, c'est-à-dire avec la voix de l'auteur. C'est que les personnages, à ce moment-là, bon, ont leur propre vie, leur propre façon de réfléchir. Et puis là, on se dit, finalement, j'ai peut-être plutôt bien réussi là, l'exercice de dialogue et de justement d'amener de la substance à ces personnages-là. Et j'imagine qu'au niveau, par exemple, visuel, on va s'inspirer, on va faire un peu de casting en s'inspirant de visages qu'on a vus dans la culture populaire, dans notre entourage ou autre. Ouais, moi, c'est une façon de me faire plaisir à moi. Je me dis, bon, si les lecteurs relèvent les petits clins d'œil, bon, tant mieux, c'est le fun. Puis justement, oui, il y en a qui m'écrivent, qui me disent, j'ai remarqué tel personnage, il y en a un qui se voit très bien, là, c'est Tintin, puis ça se voulait pas cacher, là, tout le monde, je savais que c'est une icône et que tout le monde allait le voir, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu plus subtils. Je suis un grand amateur de cinéma, et puis donc c'est ça, j'aime placer certains personnages comme ça en caméo. Je trouve ça agréable. J'ai rien inventé. Je me rappelle d'un bouquin qui s'appelait Le Rendez-vous de Sevenoc. Et il y avait Alfred Hitchcock qui faisait justement un court passage à travers une case. Je trouvais ça rigolo. Je pense que cette idée-là m'est restée depuis. Mm-hmm. Et ça influence, oriente, ça nous fait un petit plaisir dans le travail, parce que de toute façon, faut développer ces personnages-là, faut s'entraîner à les dessiner, j'imagine aussi. Et le reste, faut leur donner corps avant de leur donner vie. Oui, c'est ça. Si on sert d'un personnage qui est connu, un acteur qui est connu, il faut au moins s'assurer de pouvoir attaquer sous toutes ses coutures le personnage, qu'on puisse tourner, puis qu'on le voit, qu'on puisse le voir en trois dimensions pour bien le reproduire dans l'album. Et au niveau de l'évolution de la série, Jacques Lamontagne, on l'a dit dans le tome 1, donc on établit le monde, on établit la première enquête. Dans le deuxième, on a tout de suite cassé la formule pour montrer que, pour nous surprendre peut-être un peu. Dans le troisième, est-ce qu'on reste un peu dans l'éclatement, ou est-ce qu'on revient un peu à l'esprit architectural du premier tome? Oui, on va revenir sur nos bases. Je peux déjà donner certaines informations pour le tome 3. On revient à Boston, et puis on va effleurer le sujet, le monde du baseball, mais bon, bien entendu, ce sera pas uniquement le baseball. Ce n'est qu'un prétexte pour le mystère, l'intrigue qui va être installée. Mais donc, je m'attaque un petit peu aux Red Sox de Boston quelques années après l'échange, quand les Red Sox ont cédé Babe Ruth aux Yankees de New York. Donc, Et bon, il va y avoir un drame, et puis bien entendu, Charlton Heffelton vont être amenés à enquêter là-dessus. Évidemment. Alors, on invite les gens à découvrir cette série. Jacques Lamontagne, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Et à une prochaine. À très bientôt. Au revoir. Alors, je rappelle Jacques Lamontagne, qui est dessinateur et scénariste donc de Charlton Heffelton. Le tome 2 est sorti il y a déjà quelques temps, donc disponible chez vos libraires favoris. Donc, le tome 2 qui s'appelle Le Spectre de l'Adriatique, c'est aux éditions Ken. Et vous l'aurez compris, je trouve personnellement que c'est une fort bonne bande dessinée. Alors, on s'en va en musique, toujours ici à La Vie en BD. Et c'est la formation Captain Groovitron avec leur album Pixel Flesh qui nous accompagne cette semaine. Avant de plonger vers le club de lecture de La Vie en BD, petite note, puisqu'il y a eu une belle sélection qui a été faite tout récemment. L'Association des critiques et journalistes de bande dessinée, la CBD, a dévoilé donc la liste des 3 finalistes pour le prix de la critique à CBD de la bande dessinée québécoise 2018. Alors, les finalistes sélectionnés sont « Moi aussi, je voulais l'emporter » de Julie Delporte chez Pow Pow. Vogue la valise, l'intégrale de Cyrus du côté de La Pastèque, et White Horse, la deuxième partie de Samuel Quentin, également chez Pow Pow. Alors, les 3 titres ont été sélectionnés par les membres du comité de sélection de ce prix parmi 86 ouvrages de bande dessinée publiés par des auteurs québécois entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018. Je rappelle que le 4e prix de la critique ACBD sera remis dans le cadre du Salon du Livre de Montréal le 16 novembre prochain à 16h30. Alors, on aura l'occasion d'en reparler ici à l'émission à cette occasion. Et en matière d'objectifs, le prix de la critique de la bande dessinée québécoise assure une reconnaissance internationale annuelle pour la bande dessinée québécoise. Il vise à mettre en avant la créativité, la diversité et la richesse de la bande dessinée québécoise au-delà des frontières du Québec. Et au même titre que le Grand Prix de la critique ACBD, il vise à soutenir et mettre en valeur dans un esprit de découverte un livre de bande dessinée publié en langue française à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou des moyens que l'auteur y déploie. Alors, sinon, autre clin d'œil, puisqu'on mentionnait La Pastèque, on félicite également Élodie Chanta. Son album Crevette est parmi les 6 albums finalistes aux pépites d'art du Salon du Livre et de la Jeunesse de Montreuil. Alors, les autres livres sont Claude et Morino d'Albrien Albert, L'été fantôme d'Elisabeth Holville, Un gentil orque sauvage de Théo Grosjean, Junk Food Book de Noémie Weber et Le Super Weekend de l'espace de Gaël Almira. Alors voilà pour ces différents clins d'œil, et on retourne en musique toujours avec Captain Groovitron. Et on amorce la deuxième partie de l'émission La vie en BD cette semaine. Alors, on plonge évidemment, comme c'est le cas une fois par mois, dans notre club de lecture de La vie en BD. Alors, on a invité des gens aussi, sinon plus passionnés que moi, par ce sympathique médium. Et on se donne la contrainte de 4 titres sélectionnés par l'un ou 4 à lire au fil du mois et à réagir devant vous tous et toutes ici à l'émission. Alors, je présente la tournée donc de nos libraires et ex-libraires. Édouard Tremblay, bonjour. Salut Raymond, salut à tes auditeurs. Marco Duchesne, bonjour. Bonsoir à tous. Jérôme Vermette, bonjour. Salut bien. Et c'était Marco, le mois dernier, qui avait eu l'occasion d'initier la sélection avec la thématique La Nouvelle Ligne Claire. Et ce mois-ci, dans le fond, on trouvait un peu qu'il y avait l'Halloween qui s'en venait. Et on a décidé de passer la poque à Jérôme, qui a des goûts de lecture assez halloweenesques à l'occasion. C'est le moindre qu'on puisse dire, effectivement. Donc, j'ai choisi de parler d'horreur et fantastique, parce que c'est vraiment un genre que j'adore dans presque toutes les formes d'art. C'était un peu pour voir vos réactions aussi par rapport non seulement au choix que j'ai fait, mais est-ce que, de votre point de vue, finalement, c'est faisable de faire de la bande dessinée en horreur et fantastique, considérant que c'est un genre qui se prête bien à la littérature? Parce que généralement, moins on voit, on dit souvent que mieux c'est, parce que c'est l'imagination qui fait le travail. Donc, j'ai fait quelques choix que j'ai voulu assez différents. Le premier qui m'est venu en tête, c'est Richard Corbin, qui est un BDS que j'adore, que je vénère même. Et la bande dessinée que j'ai voulu présenter, c'est Ragemore, notamment parce que j'y trouve dedans des références à deux auteurs que je trouve vraiment formidables, Edgar Allan Poe et H.P. Lovecraft. Et puis, en même temps, ces deux hommages-là, je dirais qu'ils nuisent pas. Le fait de ne pas les connaître ne nuit pas du tout au récit. Ça me semble bien important en partant. Donc, c'est pas grave si vous n'avez pas lu la Maison Usher ou Les Rats dans les murs. Je pense que ce récit-là, qui est à la fois gothique et grotesque, on pourrait dire, parce que l'horreur est viscérale pas mal, on n'a pas besoin, selon moi, de connaître ces auteurs-là. Je suis quand même intéressant de mentionner que Corbin a gagné le Grand Prix d'Angoulême cette année, en 2018. Donc, puis moi, ça avait fait réagir beaucoup mon Facebook. Il y a beaucoup de monde qui semblait se demander pourquoi, mais en tout cas, je trouve que quand on regarde tout son travail depuis les années 70 avec Eerie, Creepy, ça a été des revues axées sur la bande dessinée d'horreur, et puis il a même travaillé pour Metal Hurlant, Moebius, puis Druyet, je trouve que c'est déjà pleinement mérité. Donc, Ragemore, qui est un récit qui est inspiré, selon moi, là, de Poe et Lovecraft, dans lequel Ragemore, c'est le lieu. Le lieu lui-même a beaucoup d'importance dans cette BD-là. Et puis, c'est pas lui qui a fait le scénario, mais je trouve qu'on voit très bien son talent pour le découpage qui amène constamment le suspense et puis éventuellement la découverte de l'horreur en tant que telle. Et puis le choix de l'avoir fait en noir et blanc là, qui rend le livre très, très gothique, finalement. Mon deuxième choix, La mort aux yeux de cristal. Celui-là fait plus référence au cinéma. Et puis ça, j'ai bien hâte de voir comment vous allez réagir à ça. Moi, mon choix a été fait pour ça parce que je suis un fan de Dario Argento et la bande dessinée est un hommage avoué au film de Dario Argento. On y trouve d'ailleurs plein de références là. Ici et là, outre l'histoire en elle-même qui est un giallo en soi là, à part peut-être le dernier chapitre qui change complètement de registre. Je me suis demandé si ceux qui n'étaient pas nécessairement fans du cinéaste italien, et j'en connais une pléthore, pouvaient prendre quand même leur pied avec cette bande dessinée-là que moi, j'ai trouvé quand même très bien. Là, tant au niveau de son récit, des couleurs. Les couleurs étaient importantes. C'est déjà chouette d'y avoir pensé, puisque les GLE tenaient beaucoup à cet aspect-là dans les films. Puis ça me faisait penser justement au fait que j'aurais pu proposer, par exemple, un Neonomicon de Alan Moore. Puis Alan Moore, je trouve que sa bande dessinée, si on ne connaît pas Lovecraft, c'est déjà plus difficile de l'apprécier à sa juste valeur. Alors, celui-là, on verra. Changement de registre complètement avec Monde parallèle de Clark. Monde parallèle de Oblique. Clark. Oblique. Merci. Ah, je suis là rien que pour ça. parce que, notamment au niveau littéraire, l'horreur se prête très bien à la nouvelle. Lovecraft et Poe, d'ailleurs, l'ont très bien montré. Et puis, l'œuvre de Clarke, c'est carrément ça, selon moi, des nouvelles, si on veut, d'une certaine manière, présentées en quatre planches, chacune quatre planches de quatre cases, toutes du même format. Et c'est un peu comme les nouvelles de l'horreur et du fantastique. C'est pas tant quelque chose tout le temps d'horrible à voir, c'est plutôt un malaise créé, selon moi, par le bizarre, l'étrange, plus que l'horreur viscérale en tant que telle. Par contre, Clarke maîtrise super bien là-dedans et ça se voit tout de suite, le clair-obscur constant là, qui met l'étrange parfois hors de portée de vue là, en tant que tel. Bref, des récits là, que moi je trouve vraiment trippant à lire. Et puis, le dernier, je me suis plongé un peu dans les œuvres québécoises pour voir si on pouvait tenir tête aux anglo-saxons, que généralement, c'est eux qui font de l'horreur et du fantastique. Et puis, je suis tombé sur Chasse. Marco puis Raymond savent que c'était une bande dessinée que j'avais beaucoup aimée quand c'était sorti. Je l'avais poussé pas mal. On t'a pardonné. Notamment à cause de son l'audace d'avoir fait un récit complètement muet. Il y en a entre autres des gens qui étudient la bande dessinée qui disent qu'une bande dessinée idéalement ça pouvait pas se passer de texte, ça pouvait être totalement visuel. Elle est complètement réussie. Bon, ça je laisse ouvert, mais celui-là je le trouve plutôt réussi. Et l'aspect fantastique dedans est assez particulier. Le malaise tourné vers donc il y a clairement un drame familial qui est raconté dans Chasse. Et puis mais c'est pas tant ce drame-là moi qui me mettait mal à l'aise, mais l'ambiance générale, la bande dessinée, notamment à cause du dessin qui assez étrangement est plus proche du style naïf. Puis je me suis posé la question par après. Est-ce que c'est le fait qu'on associe parfois les enfants dans l'horreur à quelque chose d'encore pire que ce que les adultes font? Je me suis posé la question, mais toujours est-il qu'il y a un petit côté sordide à cette bande dessinée-là qui est Chasse. Voilà, donc un élément que je voudrais quand même souligner qui est assez particulier, l'horreur est généralement un genre qui se veut sérieux, et j'ai remarqué que les quatre choix que j'ai faits, il n'y en a aucun qui a un style de dessin pleinement réaliste. Puis pourtant, il me semble avoir quand même réussi là, leur pari de soit mettre mal à l'aise, faire peur dans certains cas. Enfin, la parole est à vous. Si je peux me permettre, enfin, parce que bon, tu le sais, moi je partage aussi cet amour-là hein, de l'horreur et tout. Bon, Ragemore, je connaissais déjà, La femme aux yeux de cristal également, mais je pense que tes quatre choix, peut-être même sans que tu t'en aies rendu compte, mais sont justement épouvantablement évocateurs de ces grands éléments qui font l'histoire d'horreur, ces éléments dont Lovecraft parlait lui-même de comment il construisait la peur et tout. Tu sais, regarde Ragemore, tout est en ambiance. Ouais. Mmh. Et bien sûr, c'est l'ambiance de Richard Corben. Et là-dessus, je ne peux qu'abonder en ton sens. Je veux dire, Richard Corben, c'était un grand temps qu'on lui rende le mérite qu'il a et qui lui est dû depuis tellement longtemps. Et c'est un maître de l'angoisse dans la façon dont il rend les visages, le trouble des gens. Le seul que j'ai vu aussi efficace, c'est du côté japonais, c'était Junji Ito. Ces deux gars qui sont capables de mettre vraiment... on fait juste regarder le faciès des personnages et on file mal, on se sent mal, on comprend qu'ils sont dans une situation qui est épouvantable et tout. Donc déjà, juste avec Ragemore, on avait cette ambiance-là. Avec La femme aux yeux de cristal, on avait aussi le côté un peu critique sociale, le côté un peu, évidemment, exploitation, du corps de la femme, de sa mise en scène et tout ce que ça implique. Mais ça aussi, quand on regarde les films d'horreur, bien souvent, on en profite pour régler des comptes avec la société, pour passer un petit message comme ça dans le monde oblique. C'est des récits très courts. Et encore une fois, je pense que c'est un élément qui est indéniable d'une bonne histoire d'horreur. C'est-à-dire que plus on étire la sauce, plus les gens s'habituent. Et donc, plus l'impact de quelque chose horrifique devient naturel, et donc on insensibilise notre lectorat. Alors que là, à chaque fois, avec des trucs très courts, hyper punchés, et qui, en plus, à chaque fois, nous mène un peu en bateau, parce que c'est un peu ça l'idée, hein. On change simplement l'angle de vue, on se dit, de sous cet angle-là, tout a l'air beau, harmonieux et poétique, et tout d'un coup, on change l'angle de caméra et on découvre l'horrible derrière tout ça. Et Chasse, finalement, qui aussi, justement, de par le silence, de par la suggestion qui est toujours là, parce que bon, il y a ces trois figures un peu divines, ces trois qu'on sait pas vraiment où ils sont, qui elles sont. Et comme on le disait, c'est, je pense, aussi un des autres grands aspects de l'horreur, c'est-à-dire que tout est dans la suggestion. Plus on suggère, moins on montre, et plus on a de chances de créer dans l'esprit du lecteur, dans l'esprit de l'auditeur, quelque chose de cette capacité humaine à se faire peur elle-même encore plus efficace, à mon avis. Oui, puis je pense que tu mets le doigt sur quelque chose d'extrêmement important dans ça, et qui fait que, d'un point de vue horreur, ces titres-là fonctionnent. Avec la BD, contrairement au cinéma, tu peux pas faire peur. En fait, tu peux pas faire réagir, faire un saut. Donc, on est purement dans le registre de l'ambiance. Et c'est comme ça qu'à travers la page, on va réussir à créer une émotion viscérale, une émotion qui est pas nécessairement positive. Y a un malaise, un mal-être presque à lire certains de ces titres-là ou certaines de ces séquences-là. Et c'est pour ça qu'ils fonctionnent. Ils répondent à cet objectif-là. Peut-être là-dessus, c'est Chasse. Je pense que c'est un album que j'avais lu une ou deux fois à la sortie. Après ça, c'est le genre de truc que tu dis, est-ce que je garde, est-ce que je procède, je passe au suivant. Finalement, on décide de garder. Et quand je l'ai lu, je me suis rappelé pourquoi je l'ai gardé, et je me suis rappelé aussi pourquoi je l'ai pas relu depuis que je l'ai gardé. Parce que, je veux dire, c'est pas des lectures dont on sort calme, dont on sort zen. Ça nous happe justement dans cette ambiance-là, mais c'est comme ça qu'on réussit à faire de l'horreur en BD. En fait, je suis pas un fan d'horreur. Mon amour pour Edgar Poe ne vient pas de l'horreur, vient du doute. De ce qu'il installe dans ses nouvelles pour ce qui est de Poe, pour la façon dont moi je l'aborde, et que depuis que j'étais jeune, et que c'était le premier classique que j'ai lu. Alors avec la réputation avec laquelle ça venait, Edgar Poe était horreur, blablabla, et j'ai pas été déçu, mais j'ai compris que c'était à un autre niveau, c'est-à-dire l'espèce de doute. C'est-tu rien que dans ma tête que ça se passe? Le lecteur et le personnage, on vient en douter, et c'est là. C'est-à-dire déstabiliser le foutu lecteur. Au cinéma, déstabiliser le spectateur. Lui, au cinéma, le spectateur est dans sa chaise et dans son fauteuil, et il est prisonnier. Et les images vont défiler à 24 images secondes, c'est-à-dire une derrière l'autre, ce qui fait que la surprise, il l'a là, drette là, bang! T'sais, l'horreur débarque. En plus de toute l'ambiance qu'il peut créer avec la musique, avec la noirceur, avec le bon. Tout ça. Mais en BD, est-ce que cela est possible? Et là, wow pour tes choix. Merci. Car là, on a quatre exemples de façons de présenter une histoire en bande dessinée. Et si on veut jouer sur un genre, je veux dire, en western, si on veut jouer sur les codes du genre, on va jouer avec les cadrages, on va jouer avec les panoramiques, mais dans ce cas-ci, on joue avec la narration, et dans les quatre exemples que tu as amenés, c'est ce qui déstabilise le foutu lecteur. Oui. Bon, Corben est bien évident, Corben joue sur le grotesque, et c'est, quand moi je lisais Poe, les histoires extraordinaires et grotesques, et le grotesque, ça a toujours, je me suis toujours demandé où était, bon, il y a quelques nouvelles avec des étranges créatures et tout, mais grotesque, et c'est avec Corben et ses faces, ses portraits, ses personnages, que là, le grotesque, il prend tout son sens. Ah, tout à fait. Ben, Corben, ça sort de Coney Island, carrément. On a l'impression d'être un florilège de freak. On est déstabilisé par ces face réaliste, mais c'est sourire avec des dents et des gencives comme on n'en a jamais vu. Et ça, je veux dire, ça fait peur, là. Et dans le contexte d'un monde qui est cohérent. En fait, les règles sont surprenantes, sont déconcertantes, mais sont logiques. Il n'y a aucun de ces albums-là et des nouvelles de Clark qu'on pourrait mettre en doute. Dans le fond, les règles sont imposées et mettre des points sur le fait qu'à un moment donné, les règles ne marchent plus. Ça fonctionne, et c'est pour ça qu'on embarque aussi. J'adore Clark. Le dessin, déjà, il nous raconte l'histoire de Mélusine pour les enfants, et moi, j'adore son dessin. Et là, d'accord. Ouais, ça a toujours été un auteur, un dessinateur que j'ai toujours aimé. Et là, dans ces nouvelles-là, la première fois, lui, contrairement aux autres anthologies où on pourrait les lire une à une de temps en temps, là, il faut les lire d'un coup. Comme on lit du Edgar Poe, plusieurs nouvelles une à la suite de l'autre pour comprendre un peu l'univers. Mm-hmm. Et Clark, c'est extraordinaire. Et là, c'est là. L'horreur est dans ta tête. Le doute. Est-ce que ça a vraiment existé? Est-ce que c'est le personnage qui se fait? Et c'est, il dit, et c'est son rapport au dessin, le blanc et le noir, qui s'entrechoquent, qui se combattent. Il y a un combat entre le noir et le blanc dans la couleur, là, mais là, on peut faire tous les symboles qu'on voudra, ouais. Et tout ça. Et la magnifique petite nouvelle, les murs blancs, de ce personnage qui voit des portes blanches, des cadres blancs, mais c'est le personnage qui voit les intercalaires des cases qui voudrait sortir. C'est cette espèce d'angoisse que ce personnage de BD peut pas sortir. Il est prisonnier de... Moi, c'est extraordinaire, celle-là. Merci de me l'avoir fait relire. J'aime le point que tu amènes, en fait, sur la couleur, parce que tu regardes, mettons, Corben, Ridgemore, autant que Clark, c'est hyper saturé côté couleur. En fait, le noir, c'est du noir profond, là. Et le fait, justement, qu'il y a peu d'entre deux, ça nous amène dans un contexte particulier. Je trouve dans ces deux albums-là qu'on retrouve peut-être un peu moins dans Chasse, où là on est plus dans des compositions, mais autrement, en fait, qu'on retrouve autrement dans Chasse. Mais Chasse, à travers la couleur, mais Chasse joue sur le registre. Déjà, Chasse, lui, il nous déstabilise. Le lecteur est déstabilisé par cette façon de raconter, parce que à la première lecture, et merci de me l'avoir fait relire aussi, parce que ça, j'en disais ça aujourd'hui avant de m'en venir, et je me disais, ah, waouh, attends, je suis passé à côté de quelque chose, là. Puis, évidemment, les scènes sont vraiment faciles à interpréter quand c'est évident, le père ou le parent, la fille, la relation qu'ils ont entre les deux, on voit mais dès qu'on entre dans l'événement, et là le découpage nous déstabilise, et là c'est plus une question de couleur, c'est une question de cases, de cadres qui de juxtaposition des cases, en fait, aussi. Et là on tombe dans une espèce de récit psychédélique, je dirais psychédélique, avec tu mentionnais les divinités. Moi, je voyais plus les... Et là, c'est ça qui est extraordinaire là-dedans. L'horreur, c'est ça. C'est... ça se passe-tu dans ma tête? Parce que les trois divinités du début. Oui, les trois filles. En fait, c'est trois serveuses. Moi, je voyais les... Bref, ben, est-ce que c'est la tête du lecteur ou la tête du... Bref. Le narrateur qui n'est pas nécessairement fiable. Voilà. Et c'est ça, l'horreur. Parce que c'est parce que si tu rentres dans une histoire où il y a des monstres, où il y a un tueur, où il y a... il faut que... t'es déstabilisé, mais il faut que tu te raccroches à quelque chose de sécuritaire, à quelque chose de... Et si le narrateur est pas fiable, mais à qui peut-on se fier? Ouais, exactement, mais on le retrouve aussi dans la femme aux deux cristal, je veux dire, tout est mené, justement, par des faux-semblants. Ouais. Je veux dire, il y a erreur sur la personne. Ouais, il utilise les codes du giallo à fond la caisse tout le temps. Dès le début de l'histoire, Qu'est-ce que t'entends par le giallo? Je suis pas... dans celui-là, moi, j'ai pas les connaissances, là. Je l'ai lu comme un polar un peu hystérique. Ben, c'est un peu ça. Moi, je l'ai lu un peu comme un slasher, puis un peu... C'est un peu un précurseur du slasher, le giallo. C'est un genre très italien, là, qui vient de... Giallo veut dire jaune, donc la couverture des romans de détectives qui ont inspiré ces films-là était jaune, donc on a donné ce nom-là au genre, qui est un... comment je te dirais? Donc, c'est un genre très codé d'histoire de détective... mais qui frise le paranormal. Ouais, en fait, qui joue beaucoup sur le doute constamment. Va te mener en bateau un bout de temps, ce qu'ils font dans la mort aux yeux de cristal. Qui font très bien. Là-dessus, étant moi-même aussi un peu quand même fan d'Argento et tout, je veux dire, ça, c'est indiscutable, ça, ce que Jérôme a évoqué. L'ambiance, le choix des couleurs, je veux dire, ce mauve, ce qui crée l'effet un peu dilué. Il y a même des éléments des films qui sont repris dans les cartes. Même en fait, l'idée, ce qui est intéressant, parce que les trois autres albums sont en noir et blanc. Ouais. Je parlais un peu de la dichotomie des couleurs là-dessus. Mais justement, comme on voit dans le saturé, un peu comme Argento le fait dans son cinéma, la couleur devient un élément de déstabilisation. La couleur, à travers la couleur, dans un contexte comme ça, on retrouve un peu le même combat, la même tension qu'on a dans le noir et blanc des autres ouvrages. Ben, énormément. Puis même, c'est ça, parce que dans le choix de couleurs, et c'est le cas aussi justement dans le giallo italien, c'est pas justement c'est un mauve pâle, un jaune éclatant, c'est pas des couleurs que l'on va justement associer à l'horreur, mais rentrer dans ce contexte là dans cette ambiance là ça rajoute encore, j'oserais pas dire à l'obscène de la chose, mais au côté justement grotesque, parce qu'on dit pourquoi encadrer toutes ces choses horribles là par de magnifiques couleurs éclatantes ou de belles couleurs chaudes. Non, mais en même temps, ils sont pleines, ils sont tellement pleines qu'ils respirent pas. Exactement, exactement. La couverture en elle-même qui est rose. Ouais, ouais, c'est ça. Quand on connaît moins le justement, c'est ça un peu le cet univers-là et tout, on se dit mon Dieu, je suis dans quoi? Puis bon, en plus que justement ce petit retournement, j'ai l'impression que D'Argento faisait la BD jusqu'au dernier chapitre, puis là c'est Benicio del Toro qui Guillermo del Toro en fait qui dans Suspiria un moment donné. Oui, mais en fait c'est comme qu'on passait effectivement de Profondo Rosso puis que là subitement on tombait dans Suspiria ou dans Inferno là. Puis tu vois justement tantôt il y en a un de vous deux qui a parlé de musique par rapport au cinéma, mais juste pour mentionner La Mort aux yeux de cristal, on peut télécharger une trame sonore. Il y a une bande sonore. Tout à fait, un peu. Fait que là, ça, on poursuit l'expérience qui montre encore au moins que la bande dessinée peut sortir sans faire de jeu de mots de son cadre là. Tout à fait. Mais tout est tellement possible. Oui, tout à fait. Mettre les ambiances et tout. Beaucoup de bandes dessinées ont fait la chose. J'ai eu une époque où j'aimais beaucoup le jazz et beaucoup de BDistes qui ont raconté des histoires fournissaient la bande sonore et je veux dire, ça cadrait. Combien de dessinateurs européens ont des bands de rock, de punk? Larsenet est un ancien membre d'un groupe punk. Bref, la musique, c'est sûr que ça vient... Mais c'est un peu ça aussi l'horreur. Bon, tu sais, veut pas lire une BD. Bien sûr, faut avoir la lumière allumée. Il faut avoir, je veux dire, c'est pas comme dans le cinéma. On peut pas se plonger dans le noir seul et tout. Mais il y a quand même une ambiance qui se crée. Et c'est un des maîtres mots, à mon avis, de l'horreur aussi. C'est de laisser la personne s'effrayer elle-même. Parce que c'est souvent là. Si je prends, par exemple, en comparaison, bon, ceux qui me connaissent savent qu'un de mes plaisirs coupables, c'est la série Crust, qui est probablement une des choses les plus gore, les plus inappropriées qui s'est publiée. D'ailleurs, un jour, la police va débarquer de la vérité. Juste pour ça. On ne se le cachera pas. Écoutez, c'est une BD qui est absolument épouvantable en termes. Mais... forcé que, bon, je la suis depuis longtemps, et c'est la même chose, je veux dire, quand je parlais de s'insensibiliser et tout ça, parce que justement, l'horreur qu'on présente dans une série comme Crust est tellement là, est tellement graphique, est tellement exagérée, qu'après 3 ou 4 albums, oui, ça nous horrifie encore, mais on se fait plus peur avec ça. Oui, ben en fait, on passe par-dessus ça. Oui, c'est un peu, en fait, tout le mouvement des films, en fait, du torture porn là, qu'on a vu au niveau cinématographique, par exemple, où à un moment donné, on essaie tellement d'aller loin dans l'excès qu'on se désensibilise. Et c'est ça la force de certains des titres-là. Je pense à Ragemore, par exemple. Ragemore, il y a du grand guignol là-dedans. Il y a de l'intensité qui arrive à un moment donné, mais comme on passe pas des longues séquences, mais que c'est plus des flashs. Il y a un crescendo aussi. Il y a un crescendo, puis on crée des images qui nous hantent. On utilise le grand guignol, mais de manière dosée. Contrairement au torture porn, où là, on l'expose trop, et à un moment donné, justement, on crée l'effet inverse, où ça en devient drôle tellement c'est ridicule. On n'atteint pas ce niveau de ridicule là-dedans. Non, mais la musique qui l'aide à l'horreur, pour appuyer les effets. Mais la BD, dans les 4 choix, je réalise que les 4 choix que tu as faits avaient des rythmes différents. Oui. Je ne suis pas un fan du cinéma d'horreur italien, mais comme vous avez pu constater, mon premier réflexe, c'est de dire « Oh, c'est un polar hystérique » parce que à la lecture, ça semblait se dérouler à une vitesse assez... tandis que Ragemore, c'est quelque chose d'atmosphérique, c'est quelque chose qui est un peu lent avec les faces qui apparaissent et qui et l'autre qui est beaucoup plus intérieur et beaucoup plus immobile, qui joue sur le contraste du noir et du blanc avec les mondes obliques de Clark. Et là, on est plus dans le mobile, dans la tête, le doute, dans la... Et ça. Et là, je pense que on a quelque chose. L'horreur. Et chasse qui est presque onirique. Est possible parce que elle a un rythme qu'elle peut utiliser pour déstabiliser le lecteur. Et d'ailleurs, je pense que c'est un point qui est intéressant, parce que justement, Raymond, tu t'évoquais Chasse, et je pense que pour Chasse, notamment, parce que reste que, bon, la BD est quand même très courte, en plus, bon, il n'y a pas de texte, donc c'est sûr que dès qu'on a compris un peu où s'en vont les images, mais elle en finit plus, cette BD-là. est éternelle, cette BD-là, parce que justement, tout est tellement... Le rythme est tellement posé. Je veux dire, on dirait que tout ça se déroule sur des années et des années, peut-être parce qu'on sent en arrière comment les choses sont venues progressivement jusque-là. En fait, je vais te couper pour faire du pouce sur ce qu'Edouard dit. Enfin, je pense que je coupe Marco puis Jérôme depuis tantôt, mais j'aime bien en fait parce que j'ai le réflexe des fois dans la BD muette, je veux dire, à un moment donné, tu finis par justement catcher, puis OK, on avance un peu plus vite, bon, mais dans Chasse, j'arrive pas à tourner les pages vite. Alors, on dirait qu'il impose un rythme délibéré là-dedans. Parce que il juxtapose les images. Comme au cinéma, quand on fait entre deux scènes, le lien entre deux scènes, il y a une coupure, évidemment. Mais rappelez-vous, il y a des scènes au cinéma, à un moment donné, où lentement, il y a un fondu sur une image et l'autre image apparaît. C'est ça qu'a fait J'aime dans bien Chasse. La référence, parce les que auteurs le, font le, ça l'a, dans... L'auteur vient du cinéma, au départ. Ah bon? On réalise, avec ce que disait Edouard et toi... c'est un peu long parce que il y a pas de coupure entre les images et entre les scènes. C'est-à-dire que hein? c'est comme une longue scène qui comme un seul plan unique. Je me rappelle plus du terme en cinéma là. Un plan séquence. En fait, c'est un long plan séquence où les images sont enchaînées les unes aux autres. Et je pense que c'est à cause de ça ça paraît long parce que il y a pas de dans Monde Oblique, c'est sûr que chaque petite histoire est coupée. Il y a des scènes dans Ragemore qui alternent et dans La mort aux yeux de cristal aussi. Mais dans celle-là, c'est un long plan séquence et c'est pour ça que c'est d'une lenteur et que les scènes et que l'horreur et que l'angoisse et tout opèrent. Si tu permets d'ailleurs, justement, par rapport à plusieurs choses qu'on parle de Chasse, je trouve ça intéressant de voir que finalement ça réanime l'intérêt par rapport à cette bande dessinée-là. Parce qu'en partant, quand j'ai fait mes quatre choix, je voulais des trucs différents à chacune des bandes dessinées pour qu'en plus de ça, on puisse parler de ce que la bande dessinée en tant que médium a de particulier. Puis là, je suis en train de me rendre compte que celle-là, elle soulève beaucoup d'intérêt à ce niveau-là. Puis, notamment, tantôt, Marco, quand tu parlais de comment tu la lisais, tout ça, ça me rappelait qu'à toutes les fois que je l'ai lu, cette bande dessinée-là, et ce qui fait un peu sa particularité, c'est qu'il me semble qu'à toutes les fois que je la lis différemment. On dirait que je sors un autre récit à chaque fois, puis comme si la bande dessinée nous poussait à ça. Et en plus, elle s'appréhende pas facilement. La première fois qu'on la regarde, qu'est-ce que c'est ça, tu sais, on est-tu dans le symbolisme où il y a eu vraiment une histoire ou des choses comme ça. Et ça m'amène à penser, quand je t'écoutais parler, je me disais, mon Dieu, mais toutes les fois où on rencontre un prof ou un parent qui dit, mais il n'y a rien à lire, au bout du compte, qu'est-ce qu'on a fait tantôt? On l'a découpé au niveau narratif, puis on la redécoupe encore constamment. Il y en aurait à dire, oui. Parce qu'en plus, le thème qu'ils abordent, bon, pour revenir à Chasse, et lui-même, je veux dire, c'est éternel, là. Ouais. Je veux pas trop m'avancer, parce que je veux pas en révéler, je veux que les gens puissent la découvrir eux-mêmes, l'analyser eux-mêmes, mais je veux dire, c'est des thèmes qui sont intemporels, qui sont là, je veux dire, c'est des choses, mais aussi de base, que la vengeance, que ce désir de revanche. C'est à la fois horreur humaine et horreur mythique, pratiquement. Chasse, c'est assez particulier. Oui, hein, et puis c'est ça aussi, ça va jouer vraiment sur les deux niveaux, alors que si on regarde, c'est ça, évidemment, Ragemore, je veux dire, comme on disait, l'influence de Lovecraft, l'influence des dieux anciens, d'une présence extérieure horrible et absolument indéniable de ce côté-là. Dans Monde Oblique, ben, comme disait Marco, c'est un peu le doute. Hein. On est face à soi-même et on sait pas. Il y a beaucoup de la folie dans Monde Oblique. C'est l'horreur de l'esprit qui part et à partir d'un moment où, bon, juste pour faire un clin d'œil à une, c'est l'homme que son ombre veut assassiner, c'est absolument génial. Mais je veux dire, c'est ça aussi. On se dit oui, mais bon, le gars veut-tu vraiment son ombre qui veut s'assassiner? Oui, il est complètement paranoïaque. Il est parti, là. À la limite, on pourrait se demander, dans l'horreur, c'est laquelle horreur qui est peut-être la pire? Pour moi, c'est l'horreur humaine. C'est l'horreur qui pourrait arriver. Et c'est celle de Chasse, peut-être, comparativement à celle de Ragemore qui tombe dans le plus surnaturel, à celle qui tombe dans les questions de perception, de folie, peut-être un peu de Monde Oblique, mais qui est quand même plus éloignée de notre perception de la réalité. Celle de la mort aux yeux de cristal est plus cinématographique. Dans son esprit, dans son cadre, je pense que ça reste un film d'horreur plus plus classique, mais réussi. Mais Chasse, c'est l'horreur presque quotidienne qui pourrait peut-être arriver à quelque part dans un coin. C'est un drame familial, Chasse, à la base. Et l'horreur, et l'horreur, que ce soit en BD ou n'importe où, c'est la fin. La fin quand, tu sais, oui, mais attends, est-ce que c'est fini? Est-ce que... non, mais ça, tu sais, moi, un des... c'est pas un film d'horreur, mais Inception de Nolan, la fin. Ouais. Moi, la toupie, là, la toupie, elle m'angoisse. et c'est un des rares. Et quand ça me fait ça, c'est réussi. Et dans mon oblique, ça fait ça à chacune. Moi, le type qui peut pas sortir par la porte, le cadre blanc, c'est le personnage de BD, puis c'est l'horreur, c'est moi. Et Ragemore, à la fin encore, quand c'est ça, et chacune des BD le fait, ça. Et ça, c'est ça, l'horreur. Parce que même La mort aux yeux de cristal a à peu près pas de finale. C'est comme on parle de finale, et c'est le moment de la finale. peut-être en fait, en 10 secondes chacun, le mot de la fin, peut-être, qu'est-ce que nous, on dirait à Jérôme, puis Jérôme, je te laisserai peut-être le 10 secondes de la fin. Moi, de mon côté, en fait, vraiment une belle invitation à l'horreur. Et ce parcours-là que tu nous as proposé, je pense que c'est les quatre styles, et ça confirme mon instinct que l'horreur fonctionne en BD, et je recommanderais sans hésitation les quatre titres que tu as proposés. Je pense là-dessus, je peux juste abonder dans le même sens que Raymond. Même moi qui me tarde avec un fan d'horreur, ben j'ai fait des belles découvertes et j'ai encore une fois, je m'extasie devant justement cette capacité qu'a la BD à fracasser les barèmes, puis à fracasser ses limites qu'on pense qu'elle a et tout. Mais encore, on a quatre belles preuves que il y a aucune limite à ce qu'on peut faire en BD. Là. Moi, merci à Jérôme au choix qu'il a fait et surtout d'avoir évoqué ce thème qui est pas le mien, l'horreur. Je suis plus content de faire partir de ce club de lecture-là qui fait en sorte que je peux revenir sur des titres comme ça qui ont passé tout droit. Évidemment, j'en lis beaucoup pour mon travail, mais quand je peux revenir là-dessus, c'est bien. Alors, effectivement, merci Jérôme pour le choix. Je tiens à mentionner, moi, c'est mon mot de la fin, que Édouard est prêt à partir pour une expédition antarctique à l'Université de Miskatonic. Donc, il est habillé pour l'occasion. Pour les amateurs de Lovecraft, ils vont avoir compris. Donc, soit tout bon Halloween à tous. Ah, ben, merci beaucoup à vous trois. Donc, Édouard Tremblay et Marco Duchesne, je rappelle, libraire du côté de chez Pantoute, et Jérôme Vermette, notre ex-libraire. Je rappelle les quatre titres dont il a été question. Donc, Chasse d'Edgar Hudon et Dominique Loubier, Monde oblique de Clark, Ridgemore de Jan Strand et Richard Corben, et La mort aux yeux de cristal de et Aubury. La semaine prochaine à La vie en BD, on aura Maryse Dubuc qui viendra vous parler du nouveau tome des Nombris. On ira également faire un tour dans l'illustration avec Marianne Ferrer. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL et à la semaine prochaine.